Nous autres, on va retourner dans l'épître aux Romains, si vous voulez bien. Chapitre 9. Romains, chapitre 9. Si vous regardez à l'écran, c'est qui ça? C'est quoi ça? Un potier. Un potier. Et dans les semaines qui vont venir, il va se poser avoir quelque chose qui s'est passé. Le potier est maître de l'argile. Quand on met un paquet d'argile sur un tour, c'est ce qui se passe dans la tête du potier qui va finir par sortir sur le tour. L'argile n'a aucun contrôle sur ce qu'elle va devenir. Et dans les quelques semaines qui vont venir, on va regarder que notre Dieu est le maître de l'argile, et non pas nous. Qui veut dire ça? Dans la Genèse, quand ça marquait l'Éternel, Dieu forma. Le mot formé dans l'hébreu, là, c'est potier. Dieu a pris de la terre et a formé, a modelé, comme un potier fait un homme et une femme, à partir de la femme, après ça, à partir de la côte de l'homme. C'est lui qui a décidé à quoi l'homme ressemblerait, et la femme qui était tirée de l'homme après cela. C'est lui qui a décidé quelles seraient toutes nos capacités en tant qu'être humain. C'est lui qui a décidé qu'est-ce qu'un être humain, à quoi ça ressemblerait. Il n'a pas demandé la vie à l'être humain. Il a décidé, lui, à quoi chacun de nous ressemblerait. C'est lui le potier. Donc, il ne serait pas surprenant de constater, quand on va parler de notre formation spirituelle, que c'est encore lui qui prend les décisions. C'est lui qui a formé le monde. C'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a tout fait. Donc pourquoi on serait surpris quand on parle de notre salut si c'est lui qui a tout décidé? Il me semble que c'est logique dans ce sens-là. Donc on va voir ensemble des choses. Il me semble que c'était pas supposé arrêter là, ça. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, là, c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui vont venir, dans chapitre 9, 10, 11. Dieu va démontrer qu'il y a un contrôle sur le salut de l'humanité. Il va parler beaucoup d'Israël là-dedans, dans ces trois chapitres-là, et il va parler aussi de l'Israël physique, mais il va parler aussi de l'Israël spirituel, qui est nous. Donc, on va passer à travers ça et on va parler beaucoup d'élection. On va parler beaucoup de... Moi, je dirais bien ça, de prédestination. On va parler de la souveraineté de Dieu dans tout cela. Je peux vous dire personnellement que pour moi, quand j'ai étudié ça dans ma vie chrétienne, ça fait pas loin de 20-25 ans maintenant, c'est les vérités qui ont bouleversé ma vie personnellement. Ça m'a sécurisé, mais Dieu a paru plus grand à mes yeux à cause de ça. Quand on parle du salut, souvent on a tendance à parler trop de ce que l'homme est en train de faire, et là on ne glorifie pas Dieu. Puis celui paraît plus petit. Quand je vous parle de salut et de ce que vous devez faire pour le salut paraît plus petit tout d'un coup sec. Quand on parle que c'est nous la raison du salut, le salut paraît encore plus petit. Mais quand on va parler cette semaine que le salut vient de Dieu, il dépend de Dieu et est pour Dieu, le salut tout d'un coup prend toute sa valeur, toute sa grandeur. Quand j'ai compris dans ma vie personnelle, par la grâce de Dieu, que le salut, ce n'était pas pour moi, c'était pour la gloire de Dieu. Le salut, tout d'un coup, a pris tout son sens dans ma vie. Pendant des années, je pensais que le Seigneur m'avait sauvé, c'était pour moi, puis c'était juste pour moi, puis c'était pour moi, j'allais au ciel, puis j'allais à la vie éternelle. Mais ce n'est pas la réalité. C'était un sous-effet, ça. La raison pour laquelle Jésus a accompli la volonté de son Père, parce qu'il voulait que son Père soit glorifié. C'était la raison d'être du salut. Et quand on voit ça, pour qu'on comprend ça, ça change la vie chrétienne. Ça change notre raison de vivre. Ça change notre raison de prier. Ça change notre raison de vivre en Église. Ça donne tout un autre sens. Parce qu'on n'est pas là pour nous. On est là pour Dieu. Et Dieu a juste un but. Dieu fait toutes choses juste pour une raison. Lui-même. Lui-même. Il ne fait rien pour nous autres. On en jouit de ce qu'il est en train de faire pour lui-même. On en bénéficie. Mais ce n'est pas pour nous qu'il le fait. Il le fait pour sa propre gloire. Dans Romains 9, si vous voulez bien tourner avec moi, Romains 9, verset 1. Et on va lire jusqu'au verset, un petit peu, jusqu'au verset 13. 1 à 13. On pouvait lire trois versets, chacun. Si vous lisez, s'il vous plaît, lisez très fort pour que tout le monde entende. Et on va lire chacun trois versets, chacun qui veut, jusqu'au verset 13. La vérité en Christ, je ne l'ai pas employée. Ma conscience m'en rend son âme par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin considérable. Car je voudrais moi-même être un atteint séparé de Christ pour ma mère, mes parents seront la chambre. Son Israël, qui est parti de l'adoption, la gloire des alliances, la gloire du culte, des promesses et des patriarches, de qui es-tu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. C'est un point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaïe, tu seras nommé pour toi, pour toi. Quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette main qui porte et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui compte seulement Isaac, notre père. Un autre? Car les enfants étaient forts en tant que Dieu, ils n'avaient pas fait ni minage sans plus que les décès et les fonds de Dieu, sans les membres des cieux, et par la seule volonté de celui-ci à bien. Et celui-ci arrivait pas, mais lui, il était assis de tous les jeunes, selon ce qui est écrit, Dieu est déjà fort, ce qui a été fait. Qui dit ça, le verset 13? Dieu. C'est difficile dans notre tête de concevoir certaines choses. Et on va essayer de comprendre un peu mieux quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü ». Et ce qu'on va voir ensemble dans les semaines qui viennent, c'est la souveraineté de Dieu, qu'on appelle la volonté de Dieu, et la volonté de l'homme, qu'on appelle la liberté de l'être humain. On va voir les deux en même temps. Mais surtout, le côté de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, ce qu'il veut faire ressortir dans le verset chapitre 9, 10, 11, c'est Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Un souverain, ça veut dire quoi, ça, quand vous parlez de ça? Quand vous pensez à un souverain, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Avez-vous une image qui arrive? Un roi, hein? C'est souvent un roi assis sur un trône avec une grosse couronne. Il est un souverain, il règne. Il décide toutes choses. Il décide toutes choses. Il dicte toutes choses. Il organise toutes choses. Et là, pour nous, on a de la misère que si un roi au-dessus de nous autres qui nous regarde et a décidé toutes choses, là, on se demande quelle liberté qu'on a. Et peut-être que quand on va avoir fini le chapitre 11, vous allez avoir l'impression d'être des petites marionnettes au bout des fils. Et que Dieu est au-dessus avec les fils et les marionnettes et dirige toutes choses. Si vous avez cette impression-là, selon ma compréhension, vous avez une bonne impression. Parce que c'est ça qu'il veut qu'on réalise. Que Dieu est au contrôle de tout. Des bons et des mauvais. Il est au contrôle de tout. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez Dieu à l'œuvre et il contrôle tous les monarques de ce monde, qu'ils soient bons ou mauvais. Il dit à Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or, hein, qui est le plus grand monarque de l'histoire de l'humanité. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'ai mis en place? N'est-ce pas moi qui t'ai donné le royaume? Tu ne veux pas me croire? Va manger de l'herbe pour 7 ans. Mais tu dis, Dieu est souverain, je te ramènerai dans ta place. Il l'a mis, il l'a attaché après une chaîne, il a fait manger de l'herbe pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il a levé les yeux et il dit, c'est toi qui es souverain. Dieu l'a remis à sa place. Il dit, tu vas admettre que c'est moi qui contrôle le monde, c'est pas toi, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, étais-tu un chrétien? Païen ou non? Il était un païen. Il y en a qui pensent qu'il s'est peut-être devenu chrétien à ce moment-là, se soumettant à Dieu, et sa vie a changé par après, dans le sens qu'on peut voir. Son attitude envers le peuple de Dieu avait changé. Mais on n'a pas de précision à 100%. Mais à ce moment-là dans sa vie, je crois qu'il était honnête, parce que Dieu n'aurait pas été bourré comme ça, hein? Il a dit, en levant les yeux vers le ciel, « Tu es le souverain de la terre. » Ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire beaucoup pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que cet attribut de Dieu touche notre salut. Elle touche notre salut aussi. Si on regarde les premiers versets du texte qu'on a lu ce matin, l'apôtre Paul exprime ses sentiments face au peuple de Dieu. Ses sentiments pour les Israélites. D'où ça vient le mot israélite? Ça vient du mot Israël, Jacob. Jacob, c'est quand c'est qu'il a été appelé? N'as-tu qui s'en souviennent? Quand est-ce qu'il a été appelé? Il s'est battu avec Dieu cette nuit-là. Dieu a démis l'ange de Jacob et il a dit, maintenant, ton nom, ce ne sera plus Jacob, ça va devenir Israël, qui veut dire? Ça veut dire quoi, Israël? Lutter avec Dieu et avoir gagné. Avoir lutté avec Dieu pour avoir gagné. Parce qu'il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Puis il dit, laisse-moi partir, il faut que je m'en aille. Le soleil se lève, la journée commence, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à temps que tu ne vas pas me bénir. Et Dieu le bénit. Donc, il a lutté avec Dieu, puis il a gagné. Il dit, ton nom, ça va être maintenant Israël. On va se la comprendre, ça. Un être humain qui lutte avec Dieu. Mais il était assez vrai, ce Dieu-là, pour lui démettre l'ange, parce qu'il a beauté le restant de sa vie. Si vous voulez spéculer, allez-y, mais dites-moi les pas. Parce que c'est pas évident d'essayer de comprendre toutes ces affaires-là. Hein? Ça nous dépasse des fois. Mais la parole de Dieu est vraie. Et on s'arrête là-dessus, on dit Dieu a bâti avec Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? L'apôtre Paul dit au verset 1, il dit, je ne mens point. Ce que je vais vous dire, là, il dit, je ne mens point. La vérité est en Christ. Donc, je vous parle et je prends comme Christ, comme témoin. J'ai dit la vérité en Christ. Je parle comme si Christ était aux côtés de moi. Je ne mens point dans ma conscience me rend témoignage par mon esprit, par le Saint-Esprit, je veux dire, que ce que je vais dire là, c'est la vérité. Là, il parle de ses sentiments. Là. Il dit, les sentiments que j'ai pour mes frères israélites sont vrais. C'est pas du fake, c'est pas de l'apparence, c'est pas du show-off que je veux faire. Le Saint-Esprit en rend témoignage à mon esprit que ce que je dis, c'est vrai. Il était sincère. Parce que ce qu'il va dire dépasse des fois ce qu'on pourra dire nous autres-mêmes et l'entendement des fois qu'on a. Il dit, j'éprouve quoi? Au verset 2, il dit, j'éprouve une grande tristesse. J'éprouve de la peine. Puis c'est pas juste un petit peu, il dit, une grande tristesse. Puis il dit après, il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ça veut dire qu'un chagrin qui n'arrête jamais. Paul, dans sa vie de tous les jours, il y avait un sentiment de tristesse, un sentiment de chagrin continuel pour les Israélites. Puis c'est pas un sentiment léger, là. On dit grand, on dit continuel. Mais là, ce qu'il va dire au verset 3, moi, je ne l'ai pas dit, en tout cas. ni pour ma mère, ni pour mes enfants, je ne l'ai jamais dit. Ce qu'il dit au verset 3, quand je voudrais moi-même être anathème. Qu'est-ce que ça veut dire le mot anathème? C'est le mot maudit. Le mot veut dire être, je vais vous le lire ici, un petit peu, il me semble que j'ai quelque chose. J'ai sorti le dictionnaire. Anathème, nom masculin, ça vient du latin, du grec anathema, offrande votive, offrande faite à Dieu par les premiers chrétiens. Mais c'est le numéro 2. Dans le catholicisme, exclusion prononcée par l'Église contre les fidèles qui ne se soumettent pas à son autorité ou combattre ses dogmes. Frapper l'anathème, ça veut dire être jeté, être rejeté, être expulsé. Dans la Bible, c'est traduit, regardez en dessous, anathéma, qui veut dire tout ce qui est livré au malheur, chose offerte et laissée sur place, par exemple une offrande, résultat d'un vœu, est pendue au mur ou sur une colonne de temple, chose dévouée à Dieu, sans espoir de rachat, un animal destiné à être tué, donc personne ou chose vouée à la destruction, dévouée par interdit, un homme maudit, voué au malheur. C'est ce que le mot veut dire. C'est ce que le mot veut dire, oui? Oh, c'était n'importe quel Dieu, c'était un mot qui était utilisé pour n'importe quoi. Quand tu dévoies à Dieu quelque chose, c'est-à-dire, le mot veut dire, c'est quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est mis de côté, c'est quelque chose qui est rejeté. Il dit, Paul, j'aimerais, pour ça que juste après, il dit quoi? Il dit la même chose, là. Et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Ah, il va loin, là. Il va loin, là. Qu'est-ce qu'il dit? Je serais prêt d'être maudit. Je serais prêt même à être séparé de Dieu pour que mes amis soient sauvés. Il va loin, hein? Seriez-vous prêt à dire ça honnêtement, comme Paul dit, je prends Christ à témoin, et cet esprit rend témoignage à mon esprit que ce que je dis là est vrai. Il y avait tout un sentiment d'apôtre Paul pour ses compatriotes. Je ne pourrais pas être sauvé pour que toi tu le sois. Ouh. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il le dit à ce moment-là? Il ne l'a pas dit ailleurs, il le dit là. Juste au début d'un enseignement qu'il va donner pendant 3 chapitres sur la souveraineté de Dieu. Ma compréhension de ce texte-là, c'est malgré tous ses sentiments, malgré que Paul, il dit, si ce serait possible, j'aimerais moi être perdu pour que mes frères soient sauvés. Mais même avec ce grand sentiment-là, ça ne change absolument rien dans leur salut. Même tout le grand désir que l'être humain pourrait avoir pour sauver un homme, il ne peut rien y faire. Paul dit, ça ne change absolument rien pour eux autres. Il aimerait qu'ils soient sauvés. Il aimerait qu'ils viennent à la connaissance. À un point tel que lui, je pourrais être maudit pour ça. Mais je m'aperçois bien que ça ne change absolument rien. J'ai vu des parents, j'ai connu des parents qui ont broyé toute leur vie pour que leurs enfants soient sauvés. Ils sont morts, les enfants ne sont pas été sauvés. Nos sentiments pour leur salut ne changent pas la décision de Dieu. Parce que si c'était ça, l'apôtre Paul aurait bougé bien avant nous autres. Ce que nous désirons pour les autres, même si je dirais à Dieu, « OK, Seigneur, sauve mon enfant, puis fais que moi je sois perdu. » Dieu dit, « Tu n'as aucun contrôle là-dessus, mon petit gars. » Ce n'est pas toi qui décides qui va l'être et qui ne le sera pas. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est pas mal d'avoir ces sentiments-là. Paul n'est pas. Dieu ne fait pas un reproche à Paul. C'est même, je dirais, même naturel de vouloir que ceux qu'on aime les plus soient encore sauvés. C'est bien correct. Il ne faut pas prendre nos sentiments, que nos sentiments vont faire bouger quelque chose. C'est correct, ils sont là, nos sentiments, mais ça ne fera pas bouger rien. Ça ne va pas bouger rien. Parce que je dis, ben, j'ai vu des gens, non, j'ai vu des parents, si je prends un exemple comme ça, parce qu'on comprend bien, j'ai vu des parents qui n'avaient pas un grand fardeau pour leurs enfants, puis les enfants ont tout été sauvés. Je l'ai vu d'autres avec un grand fardeau, qui ont fait beaucoup pour leurs enfants, pour qu'ils soient sauvés, puis les enfants n'ont pas été sauvés. Parce que ce n'est pas ça qui fait la décision. Ce n'est pas ça qui influence la décision. Ce n'est pas ça qui influence Dieu. Dieu a fait des choix bien avant ça. C'est ce qu'on va voir. Puis ça nous frustre un petit peu, hein? Ça nous désarçonne. On dit, ouais, ben, je n'ai pas un grand contrôle là-dessus, moi, là, qui je suis? Mais t'es rien! T'es rien! Dieu est tout, nous, on n'est rien! Je suis donc content que Dieu n'ait pas laissé ça dans mes mains! Je suis donc heureux que Dieu ne m'ait pas dit, c'est ta responsabilité, François, si tes enfants vont venir au Seigneur, que je sois malheureux et inquiet. Ça me, je serais trop maîtrisé, je pense que je suis peut-être en dépression pour le restant de ma vie. Si je penserais que ça dépend de moi, je serais donc malheureux. J'ai pensé ça. J'ai enseigné ça. Que Dieu me pardonne. Si tu enseignes l'enfant dans son jeune âge, quand il va vieillir, il ne va jamais s'en séparer. Voyons donc. Voyons donc. Sur qui je mets la responsabilité, là? Sur le parent. C'est pas ça? Hein? On va voir dans le chapitre 9, 10, 11, on va voir que la responsabilité du salut repose seulement sur une personne. Là. Sur la personne de Dieu. C'est bien comme ça. Parce que si ce n'était pas ça, les êtres humains iraient tout en enfer, sans aucune exception. Parce qu'ils sont tous des pécheurs, voient la perdition. Si on laisse ça dans la main d'un, aucun, juste d'un homme, qui que ce soit, d'une femme, de, quel que ce soit, si on laisse ça dans une main d'une personne, on est toutes faites. On est toutes faites. Dieu ne pouvait pas remettre ça dans les mains des hommes pécheurs. Parce que les hommes pécheurs ne veulent pas la volonté de Dieu. On a vu au chapitre 8, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas faire rien pour Dieu. Parce qu'ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs. Donc automatiquement, on est... Il faut bien comprendre ici, l'apôtre Paul, il dit, malgré mon grand sentiment, malgré que je serais prêt à aller jusqu'à la damnation pour sauver quelqu'un, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. N'essayons pas de manipuler Dieu par nos actions. Dieu ne se laisse pas manipuler par nous. Dieu ne se laisse pas manipuler. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu pries, prie selon ma volonté, parce que je ne le fais pas. Donc, il ne se laisse pas manipuler par nous autres. C'est correct, n'est-ce pas? C'est bien, je suis content. Pourquoi? Mais il est parfait, puis moi, je suis imparfait. Donc, pourquoi qu'on demanderait à l'imparfait de contrôler le parfait? C'est fou. Ça serait fou. C'est le parfait qui contrôle l'imparfait. C'est bien ainsi. C'est parfait comme ça. Deuxième chose qu'on voit. Donc, les sentiments que j'ai, même s'ils sont à l'extrême, ne peuvent pas changer ce qui est devant moi. Le privilège maintenant des Israélites, au verset 4 et verset 5. L'apôtre Paul, il dit, j'ai un grand fardeau pour les Israélites parce que car, qu'est-ce qu'il dit, car, au verset 4, car ils sont Israélites, ils sont le peuple de Dieu spécial que Dieu a choisi en Israël, ils sont un peuple. Puis il dit, appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, qui sont issus de la chair et ont même reçu le Christ et sorti d'eux autres. Il dit, les Israélites, c'est le peuple privilégié d'entre tous les peuples. S'il y en a que leur situation aurait pu sauver, c'est bien eux autres. Ils ont tout eu, ils ont tout reçu. Dieu les a choisis en Abraham, en Isaac, en Jacob. Ils les ont choisis, ils ont donné la loi, ils ont donné le culte, ils ont donné l'adoration, les promesses, les alliances. Ils ont envoyé des prophètes leur parler. Ils ont tout donné. Dans Psaume 140, quelque chose, il dit, Dieu n'a jamais agi ainsi pour une autre nation. Jamais. Il n'a jamais fait ça pour quelqu'un d'autre. Mais pourtant, très peu de Juifs ont été sauvés. Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore une fois là? Il n'y a pas de situation privilégiée pour accepter le Seigneur. Ceux qui ont les plus grands privilèges n'ont pas accepté le Seigneur plus. Vous savez combien de pourcentage d'enfants, de familles chrétiennes acceptent le Seigneur? Ils sont privilégiés, hein? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, verset chapitre 7, qu'ils sont sanctifiés parce que un des parents est un chrétien. Ils sont sanctifiés dans le sens qu'ils sont dans une situation privilégiée. Ils sont dans une situation à part des autres. Ils vivent avec quelqu'un qui a la lumière. Ils vivent avec quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Ils vivent avec quelqu'un qui leur parle de Dieu jour après jour, après jour, après jour, pendant 20 ans quasiment de leur vie. Mais c'est à vous qu'on vient accepter le Seigneur. Quel pourcentage vous parleriez? Quel pourcentage vous pensez des enfants de chrétiens acceptent le Seigneur, selon les statistiques qu'on lit en Amérique du Nord? 10%? 5%? Hein? 1? Ben, vous êtes tous trop négatifs, là. Oh non, ça, c'est bien trop positif, là. Hey, t'es pas loin, c'est 15. On nous dit qu'il y a 15% des enfants de familles chrétiennes qui acceptent le Seigneur. C'est déjà beaucoup par rapport à la masse des autres. Parce que juste 1% de la population au Québec accepte le Seigneur. Mais dans nos familles, il y en a 15. Mais il y a 85%, ce qu'ils imaginent, ce qui représente des milliards d'enfants dans le monde. Des milliards, c'est trop fort. Des millions. Qui sont dans une situation très privilégiée, mais qui n'accepteront jamais le Seigneur. Puis il y en a d'autres qui sont dans des familles complètement athées, de parents tordus jusqu'à l'os, puis acceptent le Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves qui décide si tu es sauvé ou pas. Il n'y a rien de mal à leur donner une situation privilégiée, voyons donc. Hein? On peut enseigner nos enfants tous les jours, puis c'est bien, c'est correct. Mais il ne faut pas penser que c'est ça qui va les sauver. Faites-le pour les sauver. Faites-le pour glorifier le Seigneur. Et laissez le salut de leurs âmes dans les mains de Dieu, parce que ce n'est pas dans votre contrôle à vous autres. Mais ne pensez pas, comme j'ai fait pendant des années, que plus vous en mettez, plus ils ont des chances d'accepter le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est bien de vous en donner tant que vous voulez. Mais ne comptez pas là-dessus pour qu'ils soient sauvés. Parce que là, vous vous glorifiez. En disant, moi, je n'ai fait plus que les autres pour ça. J'ai déjà dit, moi, quand j'étais jeune, dans ma folie, mon ami, que des fois, je dis, Seigneur, une chance que tu pardonnes parce que je serais foutu à l'os. Laissez penser aux parents que s'ils étaient des bons parents, leurs enfants seraient sauvés. Parce que vous, pourquoi je disais ça? Parce que je pensais que j'en étais un bon. Mes enfants seraient sauvés. Quelle surprise que j'ai eue. Aujourd'hui, ce que je dis, si tes enfants sont sauvés, Dieu t'a fait une grâce, une très grande grâce. Ce n'est pas à cause de toi qu'il le fait. C'est aussi gracieux de sauver l'enfant d'un chrétien que de sauver l'enfant d'un inconverti. C'est de la grâce toutes les deux, à la même quantité, à la même force. Ni un ni autre ne mérite ça. Il n'y a personne qui va pouvoir arriver devant Dieu et dire, « Moi, j'ai mis mes enfants dans une situation tellement privilégiée là, qu'ils ont accepté le Seigneur, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. » Ben non. Ben non. Et mes frères et sœurs, ne vous mettez pas ce fardeau-là sur le dos non plus. Ça va vous écraser spirituellement. Ne comptez pas là-dessus. Parce que vous allez peut-être être déçus, parce que peut-être qu'ils ne seront pas sauvés. Et l'apôtre Paul ici, il est tellement affecté de voir le peuple israélite avec tellement de privilèges, tellement de bénédictions que Dieu nous a faites. Dieu nous a donné toute la lumière du monde, on a passé à travers les autres. Même le Christ, il dit, nos mondes. La lumière s'est incarnée dans leur monde, eux autres, dans leur pays. Ils ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, puis ils ne l'ont même pas vu. On va voir plus loin. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de celui qui décide. C'est correct comme ça. Parce que si nous, nous avons laissé là pour dire décider par vous autres même, tout seul, on n'a jamais décidé par rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un choix, là. On va parler de tout là. Là, on parle de Dieu, dans le rôle de Dieu dans notre salut. Les privilèges, il ne faut pas compter là-dessus. L'apôtre Paul dit, gardez les israélites, ils ont tout eu. Puis juste une petite poignée. Qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe, hein? Seulement un petit reste. Il appelle ça un reste. Seulement un petit reste. À accepter le Seigneur. Seulement un petit reste. Parmi les millions d'Israélites dans l'Ancien Testament, des millions, on évalue à peu près peut-être 10, 12 millions d'Israélites dans le temps de dans l'Ancien Testament qui vivaient en Israël. Puis quand Dieu a parlé à Isaïe, il dit, je m'en suis conservé 7000. Il dit un chiffre, il dit 7000. Je ne suis pas sûr qu'il faut prendre le chiffre à la lettre. Mais ce qu'il est en train de dire, j'ai pogné un petit reste, une petite affaire de rien. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui m'appartiennent à moi. 7000 sur 10, 12, 14 millions. On appelle ça peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Après ça, l'apôtre Paul, il dit que à tous ces gens qui ont été privilégiés, il dit, il va parler à partir du verset 6, il va parler de ce qu'on appelle les vrais Israélites. Les vrais. Ceux que Dieu avait en pensée. Fait que là, c'est pour ça qu'il commence au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Là, l'apôtre Paul dit, mais tout ce que Dieu avait promis, tout ce que Dieu avait dit à Israël, sais-tu que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a promis? Il dit, ben non. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là? Il ne dit pas tous ceux qui sont nés dans la chair, en tant que juifs, qui sont vraiment Israël. Dieu, quand il parle dans l'Ancien Testament, il parle de son Israël, de son peuple. Il ne parle pas de ceux de la chair. Il parle de ceux qui ont la même foi qu'Abraham. Il ne parle pas de ceux de la chair. Parce que la majorité vont mourir sans être des enfants de Dieu. Parce que ça, il dit, c'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont des enfants d'Abraham. Ce n'est pas tous ceux qui ont le nom d'Israélites qui sont vraiment des Israélites. Quand Dieu a parlé dans l'Ancienne Alliance et qu'il a dit, « Mon peuple, mon épouse, ma femme, mon Israël », il parlait de ceux que lui avait en tête, pas de tous ceux qui étaient nés dans la chair. Parce que si ça serait ça, on aurait un problème, on se dit, mais qu'est-ce comment ça que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il avait dit? Mais Dieu, quand il disait à Israël, il regardait les millions et il disait, « Mon peuple », dans sa tête, c'était « Mon peuple, ceux qui m'appartiennent ». Ce n'est pas tous ceux-là. Ce n'est pas tous ceux-là. Quand j'ai fait mon cours à Montréal, à un moment donné, ils nous ont envoyé parler avec un rabbin dans une synagogue. Ça faisait partie de notre cours d'aller interroger un rabbin dans une synagogue à Montréal. Je suis allé parler avec un rabbin et il m'a dit, « Oh, oh, monsieur, monsieur Nollet, il était plus vieux que moi, il m'appelait monsieur, mais il m'a dit, tu te trompes, là. Tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on est privilégiés parce qu'on est juifs. L'important, c'est d'être juif. C'était pas de croire. C'était pas d'avoir une vie morale ou pas morale. Pour eux autres, si tu étais un juif de chair, tu étais correct. Tu étais correct. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, ne sommes-nous pas des enfants d'Abraham? Jésus a dit quoi? Je peux prendre une roche pour en faire un enfant d'Abraham si je veux, là. C'est pas à cause que tu es né d'Abraham que tu es un enfant d'Abraham. Si tu es un enfant d'Abraham, si tu crois comme Abraham, si tu as la foi d'Abraham, tu es un enfant d'Abraham. C'est pas à cause que tu es né d'un descendant d'Abraham que tu es un enfant d'Abraham. Les vrais juifs, sont ceux qui ont la même foi qu'Abraham. C'est pour ça que dans l'Église, dans le Nouveau Testament, on appelle Israélites, les vrais juifs, les chrétiens. Dans l'Apocalypse, vous allez voir, vous allez pouvoir voir, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Là, il parle des Juifs de la chair. Les vrais Juifs, c'est qui? C'est nous. L'apôtre Paul, il dit, la circoncision de la chair, c'est zéro. Les autres, ils mettaient toute leur pensée là-dessus. J'ai été circoncis en tant que Juif, j'ai une mère, j'ai un père juif, je suis correct, je fais partie du peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, ben non, c'est pas à cause que tu étais circoncis dans la chair, dit, c'est pas à cause que tu étais un Juif, que tu es correct. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, toutes les promesses, toutes les alliances, toutes les bénédictions, l'adoption, tous ces privilèges-là, c'était pour le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, que Dieu les avait prononcés. Pas pour ceux qui ne l'étaient pas. Ça va être dur tout à l'heure. Hein? Gardez ça dans votre petite tête. Ça va être dur tout à l'heure, mais qu'on parle. Ça, c'était... Wow, François, tu vas peut-être trop loin. Mais gardez ça dans votre tête. Parce qu'il y a des vérités qui vont quasiment nous choquer. Parce qu'on ne comprend pas comment c'est que Dieu prend ce droit-là de choisir. Hein? Pourquoi moi, pourquoi pas ma mère? Puis là, on dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait toute la gang? Pourquoi ils n'ont pas tout pris? Pourquoi ils n'ont pas tout sauvé? Pourquoi ils n'ont pas tout élu? Pourquoi ils n'ont pas tout prédestiné quand il y a? Là, on a de la misère avec ça un petit peu d'accepter ça. On se bat avec ça. Ceux que Dieu avait en pensée, ou ceux que Dieu avait... On dirait dans le nouveau un langage du Nouveau Testament, ceux qui étaient écrits dans le livre de la vie, c'est ceux-là que Dieu a en pensée, quand il parle de son peuple. Il ne parle pas de ceux qui sont nés de la chair, il dit au verset 7 et 8, ce ne sont pas les enfants de la chair que Dieu avait en esprit ou en pensée quand il s'adresse aux autres. C'était aux enfants de la promesse. Et là, il donne deux exemples. Sarah et Rebecca. Ismaël et Isaac, c'est deux fils qu'Abraham a eus. Un était-tu plus fils que l'autre? C'était deux descendants d'Abraham direct. Pour Abraham, Isaac, Ismaël, c'était deux enfants égaux pour lui. Pour Sarah et Agar, c'était un petit peu différent. Mais pour Abraham, c'était ses deux fils égaux. Tous les deux. Mais Dieu dit quoi? Chasse Ismaël. Il ne va pas hériter avec Isaac. Envoie-le. Ça veut dire maudit. Va-t'en. C'est ça que ça veut dire. Chasser, ça veut dire mets-le à part. Envoie-le. Il ne va pas hériter avec Isaac, qui est l'enfant de la promesse. Dieu fait un choix, là. C'est pas Abraham qui fait le choix. C'est pas Agar. C'est pas Sarah. C'est Dieu. Les deux étaient là. Mais pourtant, Dieu a dit, chasse le Agar et son fils afin qu'il n'hérite pas avec Isaac. Parce qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Dieu avait choisi Isaac. Sarah avait choisi Isaac. Agar avait choisi Ismaël. Abraham a peut-être pris les deux, mais Dieu a dit, moi j'ai choisi Isaac. Attends. Juste après, il parle de la promesse faite à Rebecca maintenant. Rebecca est enceinte. Et elle avait des luttes à l'intérieur, hein? Elle avait des jumeaux. Ça se tiraillait, ça. Ça se bataillait, ça, ensemble. Et Dieu a fait une déclaration. Il dit, le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Puis, c'est... Finalement, Dieu dit, j'ai choisi Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Va-t'en. Va-t'en. Avant qu'il vienne au monde... Avant qu'elle ne fasse aucune œuvre. Ça veut dire ça, ça ne dépendait pas de leur vie. Dieu n'a pas regardé la même et dit, oh, mais Isaïe, il va me rejeter pour un bol de soupe parce que je ne vois pas l'élu. C'est pas ça qu'il a fait. Il n'a même pas regardé dans le futur. Il n'a même pas regardé ce qu'il ferait. Il n'a pas regardé leur œuvre. Il n'a pas regardé ce que. Il dit, j'ai décidé, j'ai aimé moi, Jacob. Jacob méritait-il? Ben non, Jacob, c'était un menteur. Il a fraudé tout le monde pour avoir ce qu'il voulait. Il a fraudé son frère, puis il a fraudé son père, puis il s'est mis du poil partout pour avoir la promesse. Il a eu toutes les bénédictions, mais en mentant. Ça ne changera pas le plan de Dieu, ça, vous savez. Dieu dit, j'ai choisi, moi, Jacob. Je l'ai choisi. Je l'ai aimé. Et j'ai rejeté, j'ai haï Ésaü. Pourquoi qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Qu'est-ce qu'il dit? au verset 11. Pourquoi il l'a fait? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Afin qu'il soit montré que c'est moi qui dirige. Afin qu'il soit, que le monde sache que c'est moi qui est en charge. Parce que le mot élection, là, ça veut dire que j'ai décidé Dieu, j'ai élu, moi j'ai fait des choix. Et c'est pour ça que je l'ai déclaré. Parce que s'il ne l'avait pas dit avant, on ne l'aurait pas su. Mais il l'a dit avant. Avant qu'il vienne au monde, il l'a dit. Pour que les gens sachent, quand ils viendront au monde, que c'est lui qui avait décidé. Puis là, on se demande la question dans notre petite tête, Dieu est-il juste en faisant ça? Et qu'on a de la misère, hein? Dieu est-il juste en faisant ça? Mais on va faire qu'on se rappelle. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Quand on se demande si Dieu est juste, à qui nous pensons? À nous. Si on pense à Dieu, on n'a pas de problème, c'est correct. Hein? Mais quand on pense si ça fait notre affaire, si ça raconte nos desseins à nous autres, si ça fait notre plaisir à nous autres, là on dit, ah, maintenant, si Dieu est juste. Mais quand on recherche la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que ça fait de Dieu quoi? Un souverain. Ça l'élève au-dessus de l'être humain. Et si on pense à nous, je dis, il n'y a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas le droit de faire ça avec Isaü. Voyons, oui, non. Là, on est en train de dire qu'Isaü est plus important que Dieu. Il n'est pas plus important que Dieu. C'est Dieu qui est plus important. Et l'apôtre Paul, il dit, ça ne dépend pas de mes sentiments. Ça ne dépend pas des privilèges que chacun a reçus. Ça dépend de quoi? De celui qui appelle. De celui qui a décidé. De celui qui a fait des choix. La semaine prochaine, on va voir, il va employer un autre exemple. Il va aller chercher Pharaon. Il va montrer encore sa souveraineté sur Pharaon, le grand monarque. Il va montrer encore, ensuite, il va pousser jusqu'à l'extrême, dire, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé. Donc, votre salut et mon salut dépend seulement que de Dieu. Êtes-vous content que ça dépende de Dieu? Si ça ne dépendait pas de lui, vous ne seriez pas ici ce matin. C'est pas vous qui l'avez cherché. C'est lui qui vous a cherché. Si vous n'avez pas cherché, vous seriez encore dans les branches en train de vous cacher, comme Adam et Ève. Je prends toujours comme exemple. Si Dieu n'a pas descendu dans le paradis, puis dire, où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Ils seraient encore dans leurs branches cachées. Parce qu'ils avaient... Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir péché? Ils se sont éloignés de Dieu, puis ils ne voulaient plus voir Dieu. Si Dieu ne serait pas venu, il ne serait jamais été. Il ne serait jamais allé. Donc, même si on ne comprend pas tout, une chose qu'on peut être certain, c'est qu'on peut se réjouir qu'il est venu nous chercher. On peut se réjouir qu'il avait mis notre nom à quelque part. J'ai choisi François. J'ai choisi. Oh, il y a une gang alentour de vous, d'autres qui sont morts, qui n'avaient pas été choisis. Mais vous pouvez dire, il m'a choisi. Je ne comprends pas tout pourquoi, mais je lui rends gloire et honneur. Notre bon Père du ciel, nous te remercions ce matin de nous avoir démontré un petit peu que ça dépend de toi. Que c'est toi qui avais décidé d'aimer Jacob. C'est toi qui avais décidé d'aimer Abraham. C'est toi qui avais décidé d'aimer Isaac. Comme c'est toi qui as décidé de nous aimer. C'est pour ça que nous disons, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Sans cela, nous serions encore des perdus, sans espoir. Puisses-tu recevoir l'honneur, la louange, pour tous tes bienfaits. Amen.